salut Fred, salut Blackbuster. Bon, vu que tout mon entourage t'écoute assidûment, je me suis dit que ça serait bien de les prévenir ici. Alors voilà, vous avez raison les copains, c'est moi le prochain. Et en février, il y aura un nouveau membre dans la famille. Ce qui me rassure, c'est qu'il y aura tous les podcasts de Blackbuster pour faire son éducation. Mais je compte aussi sur vous. Non, mais tu vois, Frédéric, y a le bon et le mauvais chasseur de monstres. Hein. Le mauvais chasseur, il voit un monstre, frappe. Alors que le bon chasseur, lui, il voit un monstre, il frappe. Mais c'est un bon chasseur de monstres. Salut Fred, bon bah, je suis P6 Master Race. Et pourtant, Monster Hunter m'a fait acheter une PSP, puis une Nintendo DS, puis une PS4. Tout ça pour le racheter sur mon ordinateur. Et aujourd'hui, Berserk. En deux jours, tu viens de résumer un peu plus de 15 ans de ma vie sur mes 30 ans. Merci Fred pour cette vague d'émotions. Frédéric, c'est Gris et ses invités nous font plaisir sur France Inter tous les soirs à 17h. Lorsque vous avez fait votre blockbuster sur Final Fantasy VII et que vous avez parlé de grosses épées, je me souviens que Frédéric Sigrist, il a dit « Oui, oui, Berserk, on va en parler un jour. » C'est pour moi le plus énorme que vous puissiez faire. Vous allez parler de Berserk, les gars, mais ça y est, ça fait vivement demain, France, vivement tout de suite. Vite, Berserk, c'est tellement la vie. Bonjour Blockbuster, je suis la femme de Thomas Croisière et je voulais dire, Thomas, si tu m'entends, s'il te plaît, rentre. T'as eu ton émission, s'il te plaît, maintenant. Laisse-les tranquilles, c'est fait. S'il te plaît, reviens. Chérie, dis-le à Frédéric Sigrist. Dis-le, dis-le. Berserk, c'est la vie. Oui, c'est la vie. To be or not to be, not to be. RIP Charlie Watts. À l'annonce de la mort du batteur des Rolling Stones il y a deux jours, on pouvait lire ça un peu partout sur les réseaux sociaux. RIP Charlie Watts. L'acronyme de Rest in Peace, repose en paix. Et très honnêtement, je ne saisis pas le temps qu'on gagne à écrire RIP plutôt que repose en paix pour saluer la disparition de quelqu'un. Faut vraiment être pressé pour être aussi laconique. Hein. D'autant que si c'est pour écrire ça, autant rien dire. RIP Charlie Watts. On dirait un fichier de téléchargement illégal. Le pompon étant ceux qui accompagnent ce RIP d'une photo d'eux avec le disparu. Je les appelle les asticots du web. Vous l'avez compris, ça m'agace. Ça m'agace parce que ces trois lettres, RIP, sont le témoignage de l'attention que certains attachent aux événements. Notre temps de cerveau disponible, comme dirait l'autre. Comme si devenir un être humain décent, c'était se contenter de faire des croix sur des pétitions en ligne. Aujourd'hui, j'ai signé une pétition contre les violences faites aux femmes, une pour la liberté d'expression et une autre contre l'élevage des poulets en batterie. J'ai écrit RIP pour Charlie Watts, RIP Raoul Covin et je suis toujours Charlie sur mon profil Facebook. Logiquement, si tout se passe bien, je suis prix Nobel de la paix jeudi prochain. On a beau jeu de juger les influenceuses qui retouchent leurs photos de vacances ou leur physique pour s'inventer une vie, par nos petits tweets et nos indignations numériques du moment, on ne fait rien d'autre que photoshopper en permanence notre grandeur d'âme. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Oreva Griffith. Omae, na. Je suis Griffith, quel est ton nom? Guts. Et Guts. Ça, c'est une sacrée épée. Je ne pourrai jamais brandir ça. Veux-tu te joindre à moi? Le 6 mai 2021, le dessinateur japonais Kentaro Miura disparaissait à l'âge de 54 ans, laissant inachevée l'œuvre d'une vie, son manga Berserk. Une œuvre ambitieuse et sans tabou qui va bien au-delà des mangas dont on a déjà pu vous parler dans cette émission. La mention pour public averti qui figure sur chacun des 40 tomes déjà sortis n'est pas un euphémisme. Tant cette série vous prend aux tripes comme peu d'œuvres ont su le faire, tous médias confondus. Berserk a ce je ne sais quoi de transgressif et d'immédiatement inoubliable qu'ont des œuvres telles qu'Orange Mécanique ou All Boy. Pour revenir sur cet incontournable de la BD pour adultes, j'ai avec moi Benoît Huot, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable éditorial manga chez Glénat. Exactement. Avec nous, Cédric Depape, de retour, bonjour. Bonjour. Thunder Geek, hein, c'est votre alias. Tout à fait. Vous êtes chroniqueur pour MangaCast, Hyperlink et Le Cri du Mochi. Tout à fait. Avec nous, de retour aussi, je suis ravi, Sullivan Roux, bonjour. Salut Fred. Vous êtes directeur de collection chez Mangetsu. Absolument. Et de retour aussi, c'est le jour, c'est le jour des revenants. Le retour des rois. Voilà. Et Mathieu Pinon, bonjour. Bonjour, salut Fred, pour commencer sur une belle contre-pétrie. Eh oui, alors je l'étudierai après l'émission. Hein. Vous êtes journaliste spécialisé dans la pop culture japonaise. Ensemble, on va revenir sur la carrière de Kentaro Miura, ses débuts, ses influences. On tentera de vous faire découvrir les multiples lectures de Berserk, ce manga de dark fantasy qui va bien au-delà de son genre. On vous parlera de son accueil auprès des lecteurs du monde entier et de la fascination qu'il exerce sur toutes celles et tous ceux qui ont eu la chance de le lire. Bref, on va vous parler d'un créateur de manga rare pour une œuvre qui ne l'est pas moins. C'est parti. Takanodan. Bizarre ici. Shitteru no ka? Où est-ce qu'on est? Ah. La troupe des faucons, tu connais? Les seuls mercenaires qu'il vaut mieux ne pas croiser au combat. Ils nous ont donné du fil à retordre. Et donc c'était ces types? Oui. Nous sommes la troupe des faucons. Alors, je tiens à le préciser dès le début de cette émission, si jamais vous trouvez la version française particulièrement étrange, il faut préciser qu'elle n'existe pas. En effet, les DVD qui existent de Berserk sont en version originale sous-titrée. Et donc, pour le faire passer à la radio, avant que vous ne soyez évidemment bilingue et que vous maîtrisiez parfaitement le japonais, on a demandé à des journalistes de la rédaction de doubler ces personnages qui donnent cet effet étrange et assez cocasse, mais je les remercie. Mathieu Pinon, oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter de manière non exhaustive le manga Berserk? Voilà un gros challenge. commençons par le plus simple. Berserk est un manga de dark fantasy qui a débuté en 1989 dans un magazine qui s'appelait à l'époque Animal House et qui est devenu ensuite Young Animal. Peut-être parlerons-nous ou pas de la décision qu'a dû prendre Mura quand il y a eu changement de magazine, mais c'est anecdotique, donc passons là-dessus pour l'instant. C'est un manga qui compte l'errance d'un guerrier qui s'appelle Guts. Il est baraqué, il est brun, il manque un bras, il a un œil toujours fermé, il est bourré de cicatrices, il doit survivre à travers un monde peuplé de démons, de créatures plus sanguinaires les unes que les autres. Il a un passé extrêmement lourd et douloureux sur lequel que je laisserai mes camarades décrire un petit peu plus. Et donc, il a juste pour objectif de survivre pendant un premier temps, jusqu'au jour où il va rencontrer Griffith et donc la troupe des faucons, dont on vient d'entendre l'évocation dans cet extrait magnifiquement doublé. Si je peux me permettre, à l'époque où il rencontre Griffith, il a encore ses deux yeux, oui, et il a encore ses deux bras. Tout à fait. Et Griffith, qui est un être bourré d'ambition, au pluriel, très beau, va lui donner un sens à sa vie. C'est-à-dire qu'autant auparavant il survivait, autant il va vivre pour accomplir les ambitions de Griffith, et il se trouve donc un objectif de vie. Jusqu'à ce que la situation, une fois que Griffith va se retrouver au pied du mur par rapport aux ambitions qu'il envisage, tout va complètement basculer. Tout va basculer. Et je n'en dirai pas plus parce que je sais que sinon les auditeurs vont vous appeler en râlant parce qu'on spoile tout. Mais donc voilà, on va vraiment dire que c'est quelqu'un qui au début survit et ensuite se trouve un but dans sa vie en aidant son ami Griffith à accomplir ses propres ambitions. Benoît Hou, qu'est-ce que représente Berserk dans cet énorme paysage du manga pour adultes? C'est une sorte d'ovni au départ lorsqu'il est paru, puisque comme l'a indiqué Mathieu, c'est un manga de dark fantasy et on a été très souvent habitué à lire des mangas de fantasy, mais des mangas de dark fantasy avant Berserk, il n'y en avait pas. Et donc, lorsque le titre est sorti justement avec l'ensemble de ces thématiques extrêmement adultes... Il faut préciser pour les auditeurs qui n'arriveraient pas à faire le distinguo entre la fantasy et la dark fantasy, si vous voulez, la fantasy c'est Tolkien, le Seigneur des Anneaux, et voilà, et la dark fantasy c'est plutôt Game of Thrones, Conan le Barbare, et voilà, une vision beaucoup plus nihiliste de l'âme humaine, et avec des cultes, des sectes, des créatures démoniaques. Voilà, on est beaucoup plus proche d'un film comme Hellraiser que Willow, par exemple. Exactement. Et donc, lorsque Berserk est arrivé, a été publié, c'était pour le coup, c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait, et c'est quelque chose en fait que les lecteurs n'attendaient pas, et surtout dont ils ne savaient pas qu'ils allaient être friands. Et donc, à partir du moment où justement ils ont découvert cette série, ils ont forcément accroché tout de suite, parce que cela traitait de thèmes adultes, certes, mais surtout qui n'avaient jamais été traités. Et donc, ils ont eu à la fois ce qu'ils attendaient, et surtout pas de la manière dont ils l'attendaient. Et c'était là les deux ingrédients qui ont fait que Berserk a cartonné et reste encore aujourd'hui incontournable au niveau du manga pour adultes. Sullivan Rouault, je sais que vous êtes particulièrement sensible à la bande dessinée internationale adulte. Et à quel moment vous avez rencontré Berserk ? Dans l'adolescence, si je dis pas de bêtises, grâce aux éditions de Glénat, justement, grâce aux collègues juste en face de moi, juste après Bastard, un autre manga culte assez sombre lui aussi, qui surtout progresse à l'instar de Berserk vers quelque chose de très sombre, et le choc instantané, parce que bah effectivement rencontre avec la dark fantasy, je pense que même si le manga s'en était passé jusque là, même la pop culture en règle générale n'était pas trop allée vers ce terrain-là, en dehors de la littérature vraiment pour spécialistes quoi. Et le choc énorme, surtout par le jusqu'au boutisme de l'auteur aussi, quoi, parce que c'est quelqu'un qui est un artiste extraordinaire, qui puise dans des influences vraiment. Oui, chaque planche est travaillée avec beaucoup voilà, de détails. Il y a un vrai stakhanovisme qui malheureusement l'a fait nous quitter beaucoup trop tôt, mais le choc de vraiment. Et pour moi, ça transcende le manga, ça transcende même la bande dessinée finalement. On en parlait tout à l'heure avec Mathieu juste avant l'émission, mais c'est un excellent pont pour les lecteurs de franco-belge en fait vers le manga. Aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que c'est pourtant vraiment pour adultes, mais ça attire beaucoup de lecteurs de comics et de franco-belge qui en fait un peu générationnellement ne regardaient pas trop du côté du manga. Quoi. Mais c'est pour ça que dans la présentation, j'ai vraiment fait une analogie avec Orange Mécanique ou des films comme Oldboy, parce que personnellement je trouve que Berserk est une des rares œuvres de bande dessinée qui m'a vraiment mis dans le même état que ces films où je me posais des questions sur ce que je venais de voir, sur les images qui me restaient, et où vraiment je m'étais pris une claque véritablement, où tu restes comme ça, tu fermes le livre et tu dis qu'est-ce que je viens de lire là, je me sens tout bizarre, et c'est très très rare de rencontrer ça. Cédric Despapes, quand vous avez découvert Berserk, ça vous a fait la même chose? Oui, surtout que moi je l'ai pas tout de suite découvert par le manga, je l'ai découvert par les conventions de manga et d'animation où il y avait beaucoup de ce qu'on appelait les AMV, et il y avait un AMV qui était passé à l'époque avec une des chansons un peu thème de manga. Alors qu'est-ce qu'une AMV ? C'est un montage fait par des fans à partir d'une musique qui des fois n'a aucun rapport sur des images d'un animé, d'un dessin animé japonais. Et là en fait c'était lié puisque c'était le thème Forces qui est l'un des thèmes peut-être le thème le plus culte du manga Berserk, où on voyait toutes les scènes les plus violentes, les plus trash, le déchaînement. Mais plus que le gore, plus que la violence, on ressentait un travail sur l'âme. En fait, il y a vraiment un travail sur l'âme humaine, dans le sens que le personnage de Guts, c'est pas juste un bourrin pour être un bourrin. Et ceux qui disent ça, souvent, je pense, ça s'arrête peut-être aux deux premiers volumes. Où il n'y a pas encore vraiment d'intrigue. L'auteur lui-même l'avait dit, d'ailleurs, qu'il a d'abord essayé de créer un univers avant de créer une histoire. Et au moment du changement de magazine dont parlait Mathieu Pinon, ses éditeurs lui ont dit « On veut bien que tu continues Berserk, même si pour l'instant le succès n'est pas encore là, on sent le potentiel. En revanche, faut tout redémarrer de zéro. » Et lui, ça le tuait. Mais il s'est dit, je vais plutôt faire un flashback. Comme ça, je peux commencer à raconter l'histoire de Guts, expliquer pourquoi c'est une espèce de boule de haine et de rage. Comment il en est arrivé au point où le décrivait Mathieu, avec un bras, avec un œil fermé. Pourquoi, d'où vient cette épée géante, comment ce mythe s'est créé? Parce que dès qu'on arrive, en fait, on est sur un équivalent de Mad Max ou de Ken le Survivant, qui sont les deux principales influences de Miura. On a ce personnage qui arrive dans une ville, c'est un peu désert, les gens se cachent. D'ailleurs, quand on relit toute la saga depuis le début, on a vraiment l'impression de voir un homme grandir. C'est-à-dire, même dans ses thèmes, on voit vraiment le côté encore très adolescent, avec le personnage presque, j'aurais tendance à dire, inutilement sombre, rustre, l'œil fermé, sa grosse épée et tout ça. Et au fur et à mesure, vient se surimprimer une vraie victime en fait de guerre. Il y a même une dimension de classe sociale où on commence à parler de la hiérarchie des classes entre ceux qui sont nés paysans ou des fois même orphelins et avec des seigneurs féodaux. Miura l'a avoué ça d'ailleurs, hein. Il a clairement dit que les premiers volumes sont l'œuvre d'un jeune artiste débutant. Et que vraiment, l'idée pour lui, à l'époque, il ne pensait qu'à des œuvres, comme je disais, comme Ken le Survivant, ou une saga d'Heroic Fantasy qu'on n'a pas trop connue en France. Quelques tomes sont sortis qui s'appellent Gin Saga, en fait, oui. Qui est son maître œuvre. De Kurimoto. Exactement. Quand il pensait à ça, il se disait, ma génération à moi, on devait trouver des concepts forts. Oui. Et en fait, le concept fort qu'il a eu, c'est cette épée géante, en fait. C'est cette épée géante et ce bras robotique. et il s'est dit j'écrirai la suite après. Donc effectivement, c'est brouillon, on sait pas trop où il veut aller au début, mais on est pris parce que les thématiques visuelles, les thématiques qui nous racontent de Dark Fantasy font que on est immédiatement happé, et ensuite vient l'histoire, vient les questions de religion, de classe, de politique, de sexe, et ça va beaucoup plus loin qu'un simple univers de fantasy ou de Dark Fantasy assez classique, j'ai envie de dire entre guillemets. Berserk a été adapté en dessin animé et on écoute tout de suite son générique d'ouverture par le groupe 9mm Parabellum Bullet. Millimeter Parabellum Bullet avec le générique d'ouverture de Berserk dans Blockbuster, évidemment, sur France Inter. Comment vous est venue l'idée de Berserk? Vous diriez-nous comment vous avez trouvé le concept de Berserk? Comment dire? Quand vous êtes un mangaka qui travaille chez lui, vous êtes assis à votre bureau toute la journée et vous recevez la plupart des informations du monde par les journaux télévisés. Je pense que c'est la façon dont les mangakas passent leur journée. Et donc, j'ai commencé à voir un portrait global du monde à partir de mon point de vue face à tous les problèmes qui s'y déroulaient. Un individu qui va au travail, qui vit dans le monde normal, il aurait des préoccupations personnelles. Il se soucierait de ses enfants qui vont à l'école. Moi, je vis isolé. Je regarde l'extérieur seulement par la télévision. Et j'ai donc vu sur une plus grande fenêtre. On vient d'entendre Kentaro Miura s'expliquer sur la naissance du concept de Berserk. Benoît Huot, est-ce que dans Berserk, il y a vraiment cette dimension de critique presque géopolitique de luttes de pouvoir entre les puissants, la religion, le système de caste? Exactement, il y a tous ces éléments-là, mais qui sont traités à hauteur de Guts, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, on suit d'abord l'histoire de Guts, et que l'idée de Berserk n'est pas de faire un traité géopolitique sur la situation. Mais le fait que Guts croise à la fois effectivement des paysans, des nobles, des chevaliers, des personnes qui sont, on va dire, liées par le devoir, etc., fait que il prend réellement en considération l'ensemble des contraintes que sont ces différents personnages avec lesquels il interagit. Et il suffit de voir que à un moment il est accompagné justement par des nobles, et au départ, lorsque des nobles l'accompagnent, on se dit mais c'est juste pas possible, un guerrier comme ça qui passe son temps à se battre, que viennent faire des nobles à côté de lui? Et en fait, on constate que justement chacun d'eux est porteur de ses problématiques, de ses rapports de classe, de ses rapports de mépris aussi, de ses rapports d'ambition de pouvoir. Donc oui, tout ça contribue à faire de Berserk un monde qui est extrêmement dense, mais là encore qu'on suit par l'intermédiaire de Guts, et donc du coup qu'on découvre avec plaisir. Oui, et en fait il incarne avec ce clan du Faucon qui est dirigé par Griffiths un petit peu les mercenaires qui font le sale boulot d'un système très établi. Donc il y a la noblesse, qui est comme ça avec des belles robes d'apparat, mais qui n'empêche a besoin d'avoir ces gens qui se salissent les mains pour pouvoir asseoir leur pouvoir. Et c'est d'ailleurs assez assez frappant quand on lit cette œuvre, c'est de voir à quel point il a un regard extrêmement cruel, non pas sur l'humanité, mais particulièrement sur les hommes. Et je trouve qu'en lisant Berserk, je me suis dit, mais si jamais une femme écrivait le quart de ce que Kentaro Miura a écrit sur les hommes, on dirait, mais c'est pas possible, c'est misandre et tout ça. Il a un sérieux problème, enfin, pas un sérieux problème, mais il est extrêmement sévère avec le patriarcat. Sylvain Roux. Ouais, mais c'était quelqu'un de torturé, c'est pas un secret. Enfin, il y a beaucoup de secrets autour de lui parce qu'il a fait peu d'interviews, il s'est peu expliqué, mais. C'était quelqu'un de très torturé et par le prisme de Guts, effectivement, il fait passer énormément de ses réflexions personnelles. Il y a le personnage de Pipin aussi qui l'incarne physiquement du coup au sein de la troupe du Faucon, mais là c'est plus de l'ordre de l'anecdote. Je pense que Berserk, puisque ça a quand même duré 33 ans sur 54 de sa vie et que d'ailleurs, autre anecdote, il était assistant de Morikawa, de Hajime Ippo, oui. Qui est à peine plus vieux que lui, mais qui lui a tout de suite dit va-t'en, et dans ses carnets de croquis, oui, je n'ai rien à apprendre. Ce fameux chevalier noir et tout, donc ça l'a porté tout le temps et c'est vrai que c'est quelqu'un de plus que cruel, il est très cru en fait, donc il pose les questions comme elles sont et il connaît bien les hommes pour en être un. Et sous toutes les facettes de la pourriture de l'homme, effectivement, il va vouloir les traiter. Après, c'est aussi une œuvre qui est quand même nappée d'espoir. Et plus on avance, après le fameux tome 13, plus on commence vraiment. On commence vraiment très très bas. C'est-à-dire que Guts est un enfant qui naît sous un arbre de supplicié. Sa mère est morte. Et en fait, c'est un bébé recueilli par une femme qui passe par là et qui a déjà perdu la raison et qui a perdu son enfant. Et qui jette son dévolu sur cet enfant qu'elle trouve au milieu des cadavres, et elle décide d'en faire son enfant aux grandes dames des mercenaires qui l'accompagnent, notamment son frère, qui dit non, il va nous porter malheur, etc., et qui se retrouve à devoir jouer une figure de père tutélaire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même dire, parce que même si ça divulgue un petit peu l'histoire, je pense que c'est quelque chose de très différent par rapport à d'autres mangas, c'est que Guts est un des rares héros, si ce n'est le seul, à avoir été victime d'abus. C'est quand même pas rien pour un manga, pour une histoire, de présenter le héros comme quelqu'un qui a été victime d'abus faits par des hommes. Ça, c'était une ambition initiale de l'auteur. Alors, pas de dire « je veux un héros qui était victime d'abus », mais lorsqu'il s'est lancé dans Berserk, ce qu'il voulait justement avec cette partie Dark Fantasy, c'est explorer la partie sombre de l'âme humaine. Et à partir du moment où on s'interroge sur qu'est-ce que la partie sombre, forcément, on va vers ce genre de problématique, vers ce genre de thématique. Et c'est ce qui fait que, du coup, Berserk est un manga adulte, parce que les thématiques qui sont abordées sont des thématiques qui, pour le coup, prennent véritablement aux tripes et au cœur, qui peuvent être parfois malaisantes pour certaines personnes qui ne s'y habituent, qui ne s'y attendent pas. Mais parce que là encore, c'était le parti pris de l'auteur de se lancer dans un manga de dark fantasy sur cette partie-là de l'âme humaine. Et justement, pour Glenna, comment se positionner? Parce que je sais que on voit tous ces rayons de manga un peu partout en France, et quand on voit des jeunes lecteurs, et j'en connais des fois même des camarades de mon fils qui ont 11-12 ans, qui se retrouvent avec un tome de Berserk comme ça à portée de main, est-ce que c'est vraiment une œuvre qui convient à des enfants aussi jeunes? Alors, c'est une œuvre qui convient à des enfants qui sont, à des personnes qui sont en âge de le lire. C'est-à-dire que, déjà, en premier lieu, et ça s'applique à l'ensemble des mangas, tout dépend de la maturité intellectuelle du lecteur ou de la lectrice. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on ne met pas, on va dire, de tranche d'âge en disant, si t'as 14 ans, tu peux lire, si t'as 12 ans, tu peux pas le lire. Ceci étant, effectivement, Berserk est un cas particulier. C'est-à-dire que, en premier lieu, il faut pas oublier que Berserk est publié dans la collection Seinen, et que, de base, les libraires sont clairement conscients de ce qu'est un Seinen. Le Seinen désigne le manga adulte, et donc lorsqu'on publie un titre dans une collection seinen, c'est qu'effectivement on s'adresse à un lectorat adulte. Le deuxième point, c'est que pendant extrêmement longtemps, jusqu'à même il y a encore un peu moins d'une dizaine d'années, les Berserk, lorsqu'ils étaient vendus en librairie, étaient vendus sous film unitaire, sous film plastique, justement parce que par rapport au lecteur, on était encore justement dans une phase, on va dire, de pédagogie, où il est important d'expliquer que c'est pas parce que c'est un manga que n'importe qui peut lire. Donc il y avait effectivement des mises sous film plastique, et c'est aussi, comme rappelé en début d'émission, l'un des rares titres sur lequel figure systématiquement sur la jaquette la mention « pour lecteur averti ». Et si on prend soin justement de mentionner cet élément, c'est justement pour éviter, on va dire, de prendre le lectorat par surprise. Après, bien évidemment, si un titre de Berserk se retrouve entre les mains d'un enfant de 12 ans parce qu'il traînait, parce qu'il était dans la chambre de son grand frère, etc., malheureusement, nous ne pouvons pas grand-chose. Oui. Mais voilà, nous, de notre point de vue, c'était Berserk, c'est un titre qui mérite d'être lu par un lectorat qui est en âge de le lire, et de ce point point de vue-là, justement, on l'a présenté avec ces différents éléments. Et si je peux me permettre, je pense que c'est quelque chose qui est très très difficile à catégoriser pour une tranche d'âge ou quelle qu'elle soit, parce que Berserk est un manga qui va bousculer le lecteur un moment ou un autre, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on peut être un jeune garçon dans la vingtaine, à avoir regardé je ne sais combien de films d'horreur, à avoir bouffé les Chroniques de la Lune Noire, qui est un très bon équivalent de droit franco-belge. Il y a des chocs psychologiques qui vont être là, qui vont vraiment. Là, on a parlé justement de la jeunesse de Guts, de tout ce qu'il a pu subir. Et encore, on a juste évoqué le fait qu'il a été abusé, mais c'est quasiment devenu une marchandise que son père adoptif est prêt à vendre à la personne qui justement l'a violé. C'est très très violent. Il y a d'autres choses comme ça qui sont extrêmement violentes psychologiquement parlant. Et après, il y a des scènes de pandémonium. Voilà, on va y venir ce fameux tome qui a bouleversé plus une personne. Et il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas être prêt. Et Berserk bousculera à un moment le lecteur, quoi qu'il arrivera, il sortira de sa zone de confort. Une des influences citées par Kentaro Miura, c'est Gonagai, justement. On trouve beaucoup de similitudes dans l'âpreté. Devilman à l'époque était un manga qui encore aujourd'hui, il a été réadapté il y a peu de temps par Masaaki Iwasa en série animée pour Netflix. Et il y a plein de personnes qui, quand ils ont découvert cette série, ont fait waouh, mais ça va très très loin. Et oui, c'est fait exprès parce que. Faut rappeler aussi que Gonagai, c'est le papa de Goldorak. Goldorak. On parle vraiment de sa seconde très très sombre. Devilman est vraiment inspiré par l'enfer de Dante et il va chercher très très loin. Et donc, Berserk, il faut s'accrocher. Mais en même temps, c'est ce qu'on cherche quelque part. Parce que lire des lectures qui sont complètement aseptisées, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Non, et puis on a tout à l'heure parlé de cinéma, c'est quelque chose qui est logiquement admis dans le cinéma et la littérature d'avoir des œuvres les bébés de la consigne automatique de Murakami, c'est quelque chose de très très sombre aussi, et pourtant on le lit et ça a été récompensé. Donc Et justement il y a vraiment plein de thématiques, il y a des personnages qui sont plus marquants les uns que les autres, il y a vraiment des scènes. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que c'est Guts qui fait le sale boulot pour la noblesse. On va se retrouver un peu plus tard avec un personnage d'inquisiteur qui lui n'hésite pas à se salir les mains à son tour. Guts va se retrouver face à un équivalent, donc il y a vraiment toutes les thématiques possibles et imaginables qui sont là, et le manga réussit à toujours explorer des pistes inattendues. Berserk est une œuvre très très sombre, donc je me suis dit qu'il était de bon ton d'amener un petit peu de joie et de bonne humeur dans cette émission. On écoute Billie Eilish, qui n'est pas la dernière pour la déconne, avec Your Power. Blockbuster est une émission réalisée par Céline Hila. Elle a été préparée par Emma Ferré avec l'assistance de notre stagiaire Robinson Radenac. C'est la dernière qu'on fait ensemble. Merci Robinson pour ce travail durant toute cette saison. Big up, man. Et notre stagiaire réalisation, Véronica Meyer. Aujourd'hui, on remercie Rémi Sistiaga à la technique et Adèle Caglar au mixage. I know we didn't choose to change. You might not want to lose your power, but heaven is so strange. She said you were a hero, you played the part, but you ruined. And you don't act like it was hard, and you swear you didn't know. No wonder why you didn't ask. She was sleeping in your clothes, but now she's got to get to class. How dare you? And how could you? Will you only feel bad when they find out if you could take it all back? Would you try not to abuse your power? I know we didn't choose to change. You might not want to lose your power, but heaven is so strange. I thought. my fault. You were the devil, lost your appeal. Does it keep you in control? For you to keep her in a cage. And you swear you didn't know. You said you thought she was your age. How dare you? And how could you? Will you only feel bad if it turns out that they kill your contract? Would you try not to abuse your power? I know we didn't choose to change your mind. Billie Eilish avec Your Power. En route pour Blockbuster sur France Inter avec Frédéric Sigrist. Cédric Despapes, vous donc qui avez découvert le Berserk avec l'animé, quand ensuite vous avez lu le manga, est-ce qu'il y a un personnage autre que Guts qui vous a particulièrement marqué? Moi, c'est surtout Puck. J'aime beaucoup Puck, en fait, parce que en fait, on parlait de légèreté. Puck, c'est un petit elfe, c'est une fée qu'on découvre dès le début de la série, qui est une espèce de petite esclave de Saltimbanque qui va être libérée par Guts un peu par hasard, et Puck va se lier d'amitié avec lui et le lui coller au basque. Et quand on redécouvre Puck, parce qu'on a peu le temps de le découvrir, puisqu'on a que 3 volumes, puis un énorme flashback ensuite d'une dizaine de tomes, quand on redécouvre Puck, l'auteur s'en sert vraiment comme une espèce de soupape pour amener de la légèreté dans le récit et empêcher justement l'œuvre d'être trop sombre. J'entends depuis tout à l'heure, vous dites tous que c'est très sombre, très noir. Moi, je suis pas complètement d'accord. Je trouve que effectivement, il y a quelque chose de noir et sombre, c'est de la dark fantasy. Mais la deuxième partie, la partie qui suit le flashback, est beaucoup plus, je vais pas dire joyeuse quand même, parce que toute trois façons, mais elle est plus lumineuse. En fait, oui, plus que ça, moi je trouve que c'est que le manga, en fait, il est le reflet de ce que c'est que l'humanité, en fait. C'est-à-dire qu'il y a du bon, il y a du moins bon. Le héros Guts, en fait, il subit des malheurs parce qu'il a besoin d'être détruit par l'auteur, en fait, pour se reconstruire avec un motif qui va être, en gros, la vengeance, en restant très évasif. Oui, parce que. Et penser c'est... plus loin à la question, genre, est-ce que. Cette vengeance, ça peut me définir complètement. Si j'ai plus cette vengeance, est-ce que je peux encore exister? Et du coup, c'est intéressant d'avoir des personnages comme Puck qui permettent d'amener de la légèreté dans le récit et qui permettent de montrer que tout ne doit pas tourner qu'autour de la vengeance de Guts, sinon le manga serait beaucoup trop lourd, aurait beaucoup moins de sens. Je pense ne plairait pas autant aux gens s'il n'y avait pas tous les personnages qui s'attardent autour de Guts et qui arrivent à l'humaniser, en fait, et à faire de lui, mine de rien, un anti-héros parce qu'il n'a pas envie de ça, il n'a pas envie de ce poids. Et que c'est tous les personnages qui ont des attentes envers lui parce qu'ils ont vu la vraie valeur de ce personnage. C'est très intéressant ce que vous dites parce que vous avez utilisé la phrase il n'a pas envie. Et justement, est-ce que l'arc scénaristique de Guts, c'est pas justement de trouver qu'est-ce qui lui fait envie, parce qu'il a toujours grandi sur les champs de bataille avec cette épée qui est carrément une sorte d'extension de lui-même. Il s'exprime beaucoup plus par elle que par les mots. Et en fait, une bonne partie de sa vie, il s'est accroché aux rêves des gens qui l'entourent, notamment le rêve de Griffith qui supplante le rêve de tellement de monde. Et lui, à un moment donné, où il commence à grandir, à mûrir en tant qu'individu, c'est ce moment où il dit « Et moi, c'est quoi mon rêve et moi, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» C'est assez juste, surtout que Griffith est basé, entre autres, sur un de ses meilleurs amis, Koji Mori, qui est aussi mangaka, qui avait un autre métier avant, il était courtier, je crois, et ils sont amis de lycée, en fait. Et il a basé beaucoup sa relation, parce que c'était Koji Mori, c'est quelqu'un qu'il décrit comme quelqu'un de beau, qui plaît aux femmes, qui est très social, alors que lui était plutôt comme Guts, qui était quelqu'un de renfermé, qui était sur le côté. Et il y a cette relation un peu de vassal entre Griffith et Guts qui est amenée très naturellement et à un moment dans le récit. Et même plus de vassal, plus que vassal, c'est-à-dire qu'il y a même une relation qui qui va même sur la passion quasiment amoureuse. Ah oui, oui, bien sûr. Quand Griffiths parle à Guts, il lui dit « je te veux ». Oui, bien sûr. Il y a une scène dans les films qui est plus qu'équivoque sur le désir physique et sexuel que Griffiths éprouve envers Guts. Mais ce qui est intéressant de noter, en fait, c'est qu'au final, le rapport de force a tendance à s'inverser à un moment, ce qui ne plaît pas à Griffiths. C'est ça qui va précipiter la suite du récit. Et ce qui est intéressant, parce qu'on monte Guts au début comme une espèce d'anti-héros qui est un méchant. Enfin, je vais vraiment mettre des grands guillemets, mais au vu des gens, les gens qui le rencontrent voient un chevalier noir avec une énorme épée qui ne fait que tuer du monstre et des hérétiques et des religieux. Donc, il passe pour un méchant. Griffiths, qui est tout le temps en armure blanche, qui est tout le temps le sauveur, passe pour le gentil. Le lecteur n'est pas dupe. Le lecteur voit toutes les intentions de tous les personnages. Il est omniscient grâce à l'auteur. Et on voit qu'en fait, la moralité, en fait, c'est une question très compliquée que Berserk met tout le temps en avant. Il y a tout un passage sur le concept de la religion et sur les rapports de la nature, en fait, et de l'homme. Et peut-être que la religion telle qu'on la connaît, en tout cas telle qu'elle est montrée dans le récit, qui est très chrétienne, empêcherait peut-être, briderait l'humanité vers une forme de création, une forme de pureté qu'elle avait avant, en fait, dans des rites peut-être plus païens, plus proches de la nature. Et donc le manga parle de ça de manière très en filigrane, sur des personnages secondaires, mais le personnage de Guts incarne ça, en fait, cette force brute qu'on peut plus arrêter, qui est aussi ce que représentait, par exemple, le personnage de Conan le Barbare. Oui, en fait, c'est vraiment le concept du barbare qui vient se frapper à la civilisation. Et la civilisation, c'est tout ce que l'humanité pétrit. Mais pas barbare dans le sens brut épaisse, mais barbare l'étranger, celui qui n'a pas. Exactement. Qui n'a pas les. Comme selon les mots de Howard, justement, le créateur de Conan le Barbare. Hein, où d'ailleurs, il se faisait souvent une conversation épistolaire avec Lovecraft, qui lui était un pro de la civilisation. Et il s'affrontait un peu verbalement sur le sujet. Qu'est-ce d'ailleurs, qui est le mieux, le barbare ou la civilisation? Le premier tome de Berserk se fait, en fait, dans une séquence de Conan le Barbare. Quand Conan a cette relation avec une sorcière là, qui l'invite auprès du feu, c'est comme ça que Guts débute son aventure. Donc la filiation est directe. Et d'ailleurs, Sullivan Rowe, Kentaro Miura a cité comme influence majeure aussi le cinéma de Sam Raimi. Le cinéma de Paul Verhoeven, en l'occurrence. Il y a Tim Burton. Ça, moi, je l'ai entendu parler de Tim Burton, de Sam Raimi. Ouais. Et notamment Darkman. C'est hyper étonnant, hein, quand on voit notamment leur début de carrière respectif. C'est assez logique graphiquement. Il y a une filiation entre H et Guts. C'est vrai qu'entre H et Guts, oui, avec le bras, effectivement. C'est un vrai hasard, d'ailleurs. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure. C'est un hasard. En fait, il a remis les manuscrits de Berserk au moment où Evil Dead 2 sortait. Et il allait au cinéma et il a eu peur en voyant qu'on l'accuse de plagiat. On l'accuse d'avoir plagié Evil Dead parce que c'était pas du tout son intention. Il adorait ça, mais ce qu'on disait, c'est que c'est intéressant parce que c'est une question d'époque. Oui, on se disait qu'en fait, ce genre d'idées, c'était des idées qui étaient dans l'air du temps et qu'il y avait plusieurs personnes qui, justement, pouvaient y penser sans forcément vouloir se plagier ou se piquer l'idée. C'est juste que, c'était l'époque était mûre pour ce genre de proposition artistique. C'est le concept du créateur. Sylvain Roux. Ouais, je me permets par rapport à ça, à toute cette idée de Zeitgeist, l'année 80 et tout, parce que c'est vrai que c'est une œuvre qui commence en 89 et qui, du coup, s'achèvera peut-être pas, on verra, mais qui a 33 ans aujourd'hui, c'est justement toute l'épopée qu'en ressort, en fait, parce que faut le dire aussi, c'est une série qui sort très lentement depuis plusieurs années, avec laquelle les gens ont grandi. Il y a des gens qui ont eu des petits-enfants, peut-être, après avoir découvert Berserk au tout début. Et c'est super important dans tous les concepts qu'il va ramener, parce qu'effectivement, du début, il va se placer dans une sorte de alors c'est un univers alternatif, mais de Moyen-Âge autour de l'Inquisition, et puis mettre un peu de fantaisie et de monstres par dose homéopathique jusqu'à l'arrivée de Zod, qui lui va vraiment incarner la dark fantasy à l'état brut. Après, il va vraiment ouvrir vers l'Orient, et il va vraiment ouvrir vers d'autres culture, et ce qui va permettre au récit post-éclipse d'encore plus incarner ce bout du tunnel et cette lumière au bout et tout ça, c'est la découverte de l'autre et tout, et cette nouvelle troupe du faucon qui va remonter autour de lui incarne ça aussi par bien des aspects, quoi. Oui, on parle d'événements post-éclipse, c'est tout ce qui suit en fait cet énorme flashback qui arrive au tome 4, c'est ça, hein, oui. À partir du tome 4 qui raconte la jeunesse de Guts et sa rencontre avec Griffiths et durant 10 tomes, en fait, il y a très très peu d'éléments fantastiques durant cet âge d'or. On est vraiment beaucoup plus sur un récit, alors médiéval, attention, toute proportion gardée, parce que je suis pas spécialiste en la matière, mais pour le néophyte que je suis, ça semblait, il y avait une suspension d'incrédulité, ça me semblait plausible. Et en fait, les éléments fantastiques, alors qu'ils ont été introduits très très tôt avec les trois premiers tomes, sont complètement retirés. Et on est en train de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la même histoire? Et à la fin de ces 10 tomes, donc tomes 12 et 13, il y a une fameuse éclipse où là, en fait, on peut le dire, vous n'êtes pas prêt. Oui. En tant que lecteur, il y a un avant et un après. Plus rien ne sera plus jamais pareil, et pour l'histoire, et pour ces personnages, et surtout pour le lecteur qui va le découvrir. Vraiment, et ça marche dans 100% des cas des gens à qui on a fait lire Berserk, je pense. Je pense qu'on l'a tous relu plusieurs fois pour admirer le talent graphique de Miura sur toute cette séquence. Mais la première fois, enfin, il y a des fois, je me dis presque, est-ce que j'aimerais me retrouver dans la situation où je ne connais pas cette scène, et en tant que lecteur vierge, redécouvrir à nouveau l'éclipse? Je ne suis pas, c'est vraiment quelque chose qu'on prend dans la, on le prend en pleine face. Hein. C'est vraiment ça. Toutes les séquences de l'éclipse, effectivement, elles sont marquantes et choquantes à la fois. C'est-à-dire que elles laissent vraiment une empreinte indélébile à la fois d'un point de vue graphique et d'un point de vue scénaristique. Je prends un exemple tout bête. Depuis tout à l'heure, on parle de ce fameux tome 13 parce qu'effectivement, il est emblématique au sein de l'histoire. Il y a bien évidemment d'autres éléments qui se produisent dans les autres tomes puisque Berserk compte 40 volumes, mais en fait, le seul tome qui marque, c'est le tome 13. Ah oui, oui. Oui. Alors, on était déjà un petit peu marqué avant, oui. mais tout semble être une sorte de préparation, de stage pour ce chapitre 13. Et Surtout que ces personnages, en fait, le tome 13 fait apparaître, enfin, réapparaître des personnages qu'on appelle les God Hands, oui. qui sont des espèces de divinités. On va pas forcément révéler ce qu'elles sont, mais elles étaient déjà apparues au tout début, de façon très mystérieuse. Avant justement le changement de passage de magazine et donc le début du flashback, et on découvrait qu'en fait le but de Guts c'était de trouver ces personnages là. Oui. Donc forcément le flashback, on a envie de savoir comment il va rencontrer une première fois ces personnages. On peut pas dire qu'on est déçu du coup de les rencontrer, non, de les si revoir. Si vous êtes lecteur de Game of Thrones ou même spectateur de la série et que vous avez été marqué par les noces pourpres dans cette série, vous n'êtes pas prêt. C'est-à-dire que même en étant à ce niveau-là, vous n'êtes pas prêt à ce tome 12 et 13 où vraiment c'est des images qui vont vous rester pour le restant de vos jours. Et c'est extrêmement rare d'avoir une bande dessinée qui directement vous renvoie comme ça chez vous en vous disant bon maintenant qu'est-ce que tu fais. et donc c'est vraiment impressionnant. Et on peut saluer aussi le talent graphique de Kentaro Miura, parce que on est proche de peinture de Jérôme Bosch. Enfin, c'est incroyable. Il est influencé effectivement par Doré, par Bosch, par M.C. Escher, par Piranesi, par Goya aussi. Enfin, moi, je sais qu'il m'a fait découvrir beaucoup de peintures classiques en fait. Grâce à Berserk, adolescent, je suis allé me renseigner un peu sur les trucs de qu'intéressaient plutôt mes parents et j'ai halluciné. Et c'est dingue parce qu'il a vraiment, il incarne ce côté. Du fait que la pop culture c'est un peu le bateau pirate, tu sais, de la grande culture de avec la un grand C, oui. Et parce qu'il invoque tout ça et en même temps il s'en sert avec tellement d'aise quand il refait le sabbat des sorcières par exemple, c'est incroyable parce que il refait avec ses crayons, son angle et tout ça, et pourtant la référence est là et elle est pas salie du tout. Quand Thierry Dupin m'a demandé de quoi ça parlait Berserk, j'ai répondu de guerre, de lutte des classes, de karma, d'enfants soldats et d'abus. Et là, il m'a dit, j'ai pile poil ce qu'il te faut. Et il m'a sorti Bonnie Banane qui chante cha-cha-cha, parce que Thierry Dupin, il est comme ça, c'est un révolutionnaire. Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi. Quand tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi. Quand j'ai dansé le cha-cha-cha. Quand j'ai dansé le cha-cha-cha. Quand j'ai dansé le cha-cha-cha. La température a grimpé. Quand tu m'as accompagné. Soudain j'ai trouvé une idée. Pour cacher ma timidité. C'était qu'une simple démonstration. Je t'ai pris à l'essai. Juste une façon de faire diversion. Avant que ça dégénère. Appelle-toi. Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi. Quand tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi. Quand j'ai dansé le cha-cha-cha. Quand j'ai dansé le cha-cha-cha. Quand j'ai dansé le cha-cha-cha. Lorsque je bouge mon corps, je le fais à mon insu. À force de faire des efforts, je suis essoufflé. soufflé et je suis. Ça n'est qu'une simple démonstration. Je te prends à l'essai, histoire de capter ton attention. Au lieu que tu t'énerves pas. Faire des dégâts. Amène-moi, amène-moi. Je veux, je veux, je veux rentrer chez toi. T'es dans tous tes états. Bada boum boum patatra. Mais t'es plus fort que ça. Tu retombes sur tes pattes comme un chat. Chapeau pas, tcha tcha tcha. Approche-toi, tcha tcha tcha. Fais comme moi, tcha tcha tcha. Hop de poids, tcha tcha tcha. C'était Buddy Madden avec Tcha Tcha Tcha dans Blockbuster sur France Inter. Ah, maintenant ça suffit, sale garce. J'ai risqué ma peau pour te sortir de ce fleuve. Si tu n'étais pas une femme, je t'éclaterais la gueule. Une femme. Putain, perdre la boule comme ça. C'est pour ça que les femmes n'ont rien à faire sur les champs de bataille. Je n'ai pas demandé à naître femme. C'est pitoyable. Tu es le seul par qui je n'aurais jamais voulu être sauvée. Tu es le seul. Tu n'es pas encore remise? Bordel, tu me hais vraiment autant? Benoît Huot, j'aimerais qu'on parle d'un autre personnage majeur de Berserk et dont on n'a encore pas parlé dans cette émission, c'est Casca. Ouais. Casca. Alors jusqu'à présent, effectivement, on a parlé de Guts et de Griffiths, qui sont donc deux hommes. L'un étant effectivement une brute de combat et l'autre étant présenté comme une sorte de parangon de la beauté. Et Casca, en fait, c'est la troisième personnage de ce triangle. C'est une femme, donc c'est une héroïne qui est réellement digne de ce nom, puisque justement, elle est tout à fait capable de tenir la dragée haute, que ce soit à Guts ou à Griffiths. Mais dans le clan du Faucon, avant l'arrivée de Guts, elle est celle qui se bat le mieux. Exactement. Numéro 2. Exactement, elle est le numéro 2 de la troupe du Faucon. Et tout l'intérêt de Casca, c'est que justement au départ, il y avait un binôme entre Casca et Griffiths, et que l'arrivée de Guts bouscule l'existence de ce binôme pour en faire une sorte de triangle où, en fait, amoureux effectivement, où se posent les questions des relations entre Guts et Griffiths, entre Casca et Griffiths, entre Casca et Guts. Et donc justement, on va suivre toute cette évolution et on va les suivre justement aussi du point de vue de Casca. Et très clairement, Casca, c'est un personnage qui est extrêmement important dans la série parce que ce n'est absolument pas une pièce rapportée. Elle est dotée d'une personnalité qui lui est propre, extrêmement forte. Elle déteste se laisser marcher sur les pieds et elle a un tempérament presque beaucoup plus colérique que Guts, alors que pourtant ils passent leur temps au début justement à se chamailler, à se disputer. Donc c'est vraiment un personnage majeur de la série. Mais il faut dire qu'en plus elle c'est quelqu'un qui justement s'est toujours battu contre son statut de femme sur un champ de bataille, parce que vous imaginez bien que dans ce monde-là la misogynie et le sort réservé aux femmes sur les champs de bataille ou durant les razzias, on sait ce qu'il en est. Et donc elle s'est toujours battue, a appris des techniques, et non seulement elle est Guts pour ce qu'il fait ressentir à Griffiths, le rapport qu'ils ont tous les deux, mais aussi parce qu'il a ce côté quasiment suicidaire dans ses affrontements, c'est-à-dire que là où elle est réfléchie, où elle va essayer de protéger ses hommes, optimiser justement la stratégie de bataille, Guts, lui, il se lance dans le précipice et il dit on va voir si j'en sors en vie ou non, mais finalement c'est là que je vais me sentir vivant. Donc il y a aussi ce miroir un petit peu de chaotique qui renvoie à quelqu'un qui est très stratégique. Oui, exactement, quelqu'un qui est très stratégique. On parlait aussi tout à l'heure au début de l'émission du fait qu'il y avait différentes classes sociales. Faut pas oublier qu'Aska, sauf erreur de ma part, à la base, elle est issue d'un milieu paysan. Oui. Et donc, justement, elle a d'autant plus une volonté, on va dire, de reconnaissance sociale et d'assise auprès des autres, à la fois parce que justement elle s'extrait de son milieu paysan et parce que la compagnie du Faucon, c'est une compagnie majoritairement masculine et du coup, entre guillemets, elle a besoin de faire par la force des choses deux fois plus ses preuves que par rapport aux autres. Et c'est pour ça que justement elle ne tolère absolument pas justement les actions, les coups de tête de Guts, parce que, entre guillemets, je dirais, Guts, il bénéficie sans même se rendre compte de son privilège de mâle, il fonce et puis il se pose pas la question. Alors que Casca, elle n'a pas ce privilège de mâle et justement elle est obligée sans cesse de prouver sa valeur, alors que pourtant on la connaît déjà très largement. Mathieu Pinon, vous vouliez aussi évoquer le personnage du chevalier squelette. Oui, tout à fait, parce que c'est un personnage qui, a priori, n'apporte absolument rien à l'histoire, parce qu'on va vraiment voir, qui apparaît ponctuellement, de temps en temps, au moment clé de l'intrigue, et qui s'avère être en fait une espèce de démiurge. J'ai l'impression que, autant on dit souvent que Miura s'est incarné dans le personnage de Pipin parce qu'il y avait une apparence physique qui était proche, moi personnellement je trouve que Miura s'est mis dans la peau, pour peu qu'il y ait une peau, un squelette, du chevalier squelette, à savoir que systématiquement il sait ce qui s'est passé, il sait ce qui se passe et il sait ce qui se passera. C'est celui qui comprend tout, qui connaît tout, qui de temps en temps donnera un petit indice qui sera un petit peu obscur au début et 3, 5, 10 tomes plus tard prendra toute sa signification, un petit voilà, une petite un œuf de Pâques, un œuf de Pâques, exactement. Mais on ne sait pas d'où, on ne connaît rien sur ce personnage. C'est alors, on a une petite idée quand même. Oui, ça va apparaître, mais oui. C'est très très léger. Et au bout de combien de tomes est-ce qu'on commence à avoir un début d'idée le concernant ? Et on a vraiment l'impression que c'est Miura qui, de temps en temps, intervient et pour dire oui, je sais que. Mais je sais ce que je fais, je sais où ça va. Même si à l'heure actuelle, vous vous en prenez plein la tête, vous êtes dans un bateau qui tangue de tous les sens, il y a un moment, ça va se calmer avant d'avoir de nouveaux rapides, de nouveaux précipices, de nouveaux maelstroms. Mais je suis maître à bord de mon bateau. Et je trouve que c'est très marquant qu'il se soit représenté dans un personnage qui soit mort, puisque lui-même est mort récemment et laisse son œuvre inachevée. Et la seule personne qui saura à tout jamais c'était le chevalier squelette. C'était le chevalier squelette, c'était Miura et personne d'autre ne le saura. Mais justement, je me demande si, selon le principe de l'ouroboros, c'est-à-dire ce principe de révolution, d'éternel recommencement, si en fait, parce qu'effectivement, nous n'aurons pas la fin de Berserk parce que l'auteur nous a quittés, mais est-ce que vous n'avez pas ce sentiment, parce que moi c'est celui que j'ai eu, que finalement déjà toutes les réponses sont là. Et qu'en fait, il faut juste savoir les lire, c'est-à-dire que ce chevalier squelette, pour moi, il est déjà présent depuis le premier tome, mais sous une autre identité, et ainsi de suite, comme si tous les personnages étaient dans une forme de cycle qui comme Matrix par exemple, qui ne cesse de recommencer inlassablement. Est-ce que vous n'avez pas eu ce sentiment-là, qu'on allait tranquillement vers une sorte de recommencement. C'est une théorie qui peut marcher en plus, parce qu'il faut savoir qu'il y a un chapitre qui n'est pas présent dans les éditions reliées, qui a été enlevé, le chapitre 83 ou 86, je me rappelle plus très bien le numéro, où Guts rencontre Dieu, en tout cas une image de Dieu. Griffiths. Guts. Bon bref, peu importe. Enfin, en tout cas, l'horloge tourne. Un personnage rencontre Dieu. Oui. Et en fait, Miura l'a enlevé en disant qu'en fait, il avait montré une image peut-être trop précise, qui pouvait donner trop d'idées, trop de clairvoyance pour son univers. Parce qu'après, quand il essaie d'expliquer ce que sont les outre-mondes, il reste toujours très vague. Pour que chaque personne se fasse un peu son idée. Eh bien justement, que chaque personne se fasse son idée, c'est ce qu'on va de proposer aux auditeurs. Faites-vous une idée. Lisez Berserk. C'est déjà la fin de cette émission consacrée à ce chef-d'œuvre qu'est Berserk. Benoît Huot, Cédric Despapes, Sullivan Rouault, Mathieu Pinon, merci à vous. Merci. Je rappelle que ça n'est pas une lecture à mettre entre toutes les mains. Vraiment, le papa que je suis vous met très amicalement en garde. Vous direz pas que je vous ai pas prévenu. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag Blockbuster. Demain dans Blockbuster. en direct de Lille. Une ville qui a vu naître le général de Gaulle. Et qui voit mourir Aymeric Lomprey tous les vendredis soirs rue de la Soie. Dans le cadre du festival Sérimania, un événement que des journalistes ont inventé pour avoir une bonne excuse pour se mater des séries en buvant des demi. Demain, on vous parle humour et one-man show. Demain, on vous parle de Nicolas Dupont-Aignan. Non, je déconne. Demain, on vous parle de Seinfeld. France Inter.